franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, je te bande les yeux, je t'attache les mains dans le dos et je vais te faire une grosse surprise en t'emmenant faire un tour sur la rocade de Grenoble. Chouette, divine surprise. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque figure-toi que le pape Pie VI s'y est arrêté, alors non pas sur la rocade, mais à Grenoble. Grenoble, sa cathédrale, son centre historique et sa place du marché. Alors c'est à Grenoble que nous partons. Eh oui, Marga. Eh oui, Philippe, pour y deviser avec Raphaël de Grenoble qui a un problème. Moi aussi, j'ai un problème, Marga. Je crois bien que je t'aime. Ouais, bon. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Margaret. Bonjour, Philippe. Docteur. Bonjour, Raphaël. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, nous, ça va. Sinon, on sera à votre place. Et ça voudrait dire que ça va peut-être pas si bien que ça. Bonjour, bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Bien, on vient de vous le dire, là. Oui, d'accord, non, mais je voulais être sûr. Eh bien, soyez-en sûr, on va bien. Non, je voulais être sûr que je vous l'avais demandé. Oui, d'accord. Donc, qu'on aille bien ou pas, vous vous en fichez. Ah non, pas du tout, je suis content que vous allez bien, mais ouais. Comme je doute toujours des choses, je voulais être sûr que je n'avais pas oublié de vous demander. Comme je doute beaucoup de moi, j'ai tendance à faire plusieurs fois les choses pour être sûr de les avoir faites. Ah, vous avez des tics peut-être, Raphaël? Enfin, plutôt des tocs. Ah oui, c'est vrai qu'avec le politiquement correct, on ne peut plus dire tic, il faut dire toc. Non, c'est juste que ce n'est pas la même chose. Bien sûr, c'est ça. Et un balayeur et un technicien de surface, c'est pas la même chose. Non, mais un TOC, c'est différent d'un TIC, c'est pas la même chose. D'accord, et c'est quoi la différence entre TIC et TOC? Ah, moi je sais. Oh non, je sais. Bah oui, mais c'est normal, toi t'es psy. Oui, alors, TIC, il a le nez noir et les dents du haut serrées. Et TOC, il a un nez rouge et les dents du haut écartées. TIC est plus sérieux et TOC, il est un peu plus maladroit. Non, je crois que vous confondez avec TIC et TAC les écureuils. Attendez, excusez-moi, je reviens. Allô? Allô, monsieur? Raphaël? Raphaël? Oui, pardon. Oui, Raphaël, alors, je vais vous dire tic-tac, car l'heure tourne. Non, je vérifiais que ma porte était bien fermée, mais c'est bon, ça va. Bon, vous vous sentez en sécurité à présent? J'ai l'impression, oui. Ah ça vaut pas le coup de s'embêter à vérifier 5 fois si c'est juste pour avoir l'impression de se sentir en sécurité. Bougez pas. Ouais. Raphaël. Monsieur. Voilà. Alors là, vous l'avez fait que 4 fois, c'est intéressant, pourquoi? Bougez pas. Enfin. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est pas forcément 5 fois d'un coup, hein. Ça peut être fragmenté. Une fois plus 4 fois ou 3 fois plus 2 fois. Enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment d'incidence. Bougez pas. Ah oui, mais. Ça va être. Bon, Raphaël. C'est bon. Oui. Ça va. Et vous, ça va? Oui, on vous a dit. Oui, je vous avais déjà demandé. Non, je savais. C'est. Je voulais simplement être sûr. Voilà. Donc c'est pas un problème de mémoire. Hein, on est bien d'accord, Raphaël. Non. C'est juste que je veux être toujours sûr de bien faire les choses. Bon, bien écoutez, détendez-vous, Raphaël. Vous avez eu la gentillesse de nous le demander juste avant d'aller vérifier que votre porte était bien fermée afin que personne ne puisse s'introduire chez vous. Bougez pas. Voilà, Ça y est. Voilà. Et alors, vous êtes du genre à vous laver les mains 20 fois par jour, à vérifier que vous avez bien fermé le gaz toutes les 5 minutes, c'est ça ? Non, ça va. Tout est électrique chez moi. Mmh. Je vérifie souvent, par contre, que je n'ai pas laissé une serviette ou un t-shirt sur un radiateur. Mmh. Donc, voilà, je me demandais si... Bon, je sais qu'il n'y a plus de choses à faire pour que ça change, mais si vous aviez des conseils à me donner pour calmer mes doutes, je ne sais pas... Eh non, il n'y a rien à faire. Mais moi, je suis un petit peu comme ça. Hein. Quand on quitte notre maison de vacances, que ce soit celle de l'île de Ré, de Megève ou même en Corse, je vérifie toujours 10 fois si j'ai bien fermé les volets, ça. Surtout en Corse. Hein. Vous imaginez, si vous aviez en plus une résidence secondaire, combien ça ferait de portes à vérifier pour être sûr que personne ne puisse s'introduire chez vous ? Non, mais j'en ai une. Ah oui ? De quel côté ? Bougez pas. Allô ? Raphaël, on n'a pas trop le temps non plus. Il faut qu'il nous rappelle. Oui, vous êtes. Rappelez-nous quand vous arrivez alors peut-être. Allô ? Où ? Ah. Aïe. Zut. Il semblerait que Raphaël eût mieux fait de vérifier ses plaquettes de frein. En effet, Philippe, espérons que le bobo de Raphaël ne sera pas trop méchant. Non. Et je rappelle qu'il faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt. Et comme le dit Wilfried Lemoine, une obsession en chasse une autre. C'est comme la diète, n'est-ce pas, Marga ? C'est vrai que si je veux rentrer dans mon maillot tradichic cet été, j'ai intérêt à ce que ça tourne à l'obsession. Hein. Oula. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde quasi obsessionnelle elle aussi. Merci Philippe, au revoir à tous. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.